Señorela. Je peine à croire et à comprendre ce monde que je vois. Je ferme les yeux et suis ses cendres, mais je n'ai plus la foi. Tout est classé en noir ou blanc, tous équipés, on rentre dans les rangs. Nos casques ne sont que nos œillères, on pense au bien-être hier. À perdre selon ton émette, à croire au monde des prêtres. Que se passe-t-il? Il fait de plus en plus froid. Les portes se ferment, le temps s'écoule, la guerre court dans la rue. De sable grisé, de pierre qui coule, de balles plein la vue. Ce que l'on est, de tout notre être, que l'on avait fait disparaître. Maintenant on porte sa bannière, notre seule action est de nous taire. À perdre selon ton émette, à croire au monde des traîtres. Que se passe-t-il? Il fait de plus en plus froid. À perdre selon ton émette, à croire au monde des traîtres. Que reste-t-il quand il n'y a plus de loi? We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 49e Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Alors on vient de se faire le premier bloc, la next épisode de Dr. Dre, Wicked Mystique, Daniel Editor, Black Samurai, en live d'Alpha Blondie, Que reste-t-il des Fast and Furious, je les adore Fast and Furious, et l'excellent morceau Future World d'Halloween en live. On poursuivra cette émission en live avec Alice Cooper et Brutal Planet, le 14e album studio sorti le 6 juin 2000. On retrouve aussi Sanctuary, Eat Some More et Cold Machine. Je diffuse ensuite Get Out of Town de, Get Out of Town de Danko Jones. C'est sur Born Lion, sorti le 23 juin 2003. On peut entendre aussi Lovercall, World is Bond, Way to My Heart notamment. Je passerai ensuite Gemini, une petite nouveauté des Gutter Demons. C'est sur Unfinished Business, sorti en 2015. On retrouve aussi Hellride, Invaders et Bloodfist, entre autres. On s'écoutera ensuite No Trouble de Frustration. C'est sur Relax, l'album sorti le 7 février 2008. On retrouve aussi We Have Some, Relax et Too Many Questions. Notamment que des tubes, un top album. Et on a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Scapé et Gato Lopez. C'est sur El Vals del Obrero, leur deuxième album sorti en 1997. On peut entendre aussi El Vals del Obrero, Sexo y Religion et le cultissime Légalisation Cannabis, Basta la Prohibición. We'll be right back. Down to Oh, Vous êtes toujours dans la 49e Vapeur Afrique, cette semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Brutal Planet de Alice Cooper, Get Out of Town de Jack Danko Jones. Si vous avez aimé Danko Jones, demandez-moi, il y en aura encore. Jiminy des Gutter Demons, No Trouble de Frustration, et on a fini en live avec Gato Lopez de Scapé. On continuera cette émission en live avec... Megadeth et She-Wolf, c'est sur Crypting Writing, leur 7e album studio sorti le 17 juin 1997. On retrouve aussi Trust, A Secret Place, Vortex et notamment. Je passerai ensuite Hate and Whiskey des Nashville Pussy, c'est sur Get Some, sorti le 20 septembre 2005. On peut entendre aussi Pussy Time, Good Night for a Heart Attack, putain la bonne nouvelle, One Way Down, tiens. J'ai envie d'un grand classique, Heartbreaker de Led Zeppelin, c'est sur l'album de Song Remain the Same sorti en 1969. On retrouve aussi Rock'n'Roll, Celebration Day et Wallota Love entre autres. Allez, une petite nouveauté, Can't Cool d'Alborosi, c'est sur Freedom and Fire sorti il y a quelques semaines. Un excellent album, on peut entendre aussi Strolling, Rocky Road, Judgment... Un top album. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec Arnaud et son grand classique. Oh là là là, oh là là là, c'est magnifique. C'est sur le Live in Bruxelles, sorti le 27 septembre 2005. On peut entendre aussi Il est tombé du ciel, Lola, etc. Et Chic et pas cher, entre autres. The mother of all that is evil. Our poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Priestess roars, get down on your knees. Wow! The rite of the praying mantis. Kiss the bones of the enchantress. Searching through the night. me say me fire can't tame. Babylon, them a call me name. Fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. All me praises them gone to the kingdom. As me walk through the valley of the shadows, I know, say, my journey ever directed. Cause from above a Nazarene, no coma touch me here. I am the highly protected. Roots in on me system like a gasolina. Salute me proper way like a general senior. Me come to conquer people and I shake up the media. And chop up the idiots, we crucify Jesus. Rural warrior, come a town with no Caesars. Burn down the empire, Cleopatra and Caesar. Columbus sail back when him sister were trigger. And Zaya youth start the chant. Fire can't cool this, your fire can't tear. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. Fire can't cool this, your fire can't tear. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. And the praises them go to the kingdom. From we intelligent and we diligent. Afraid of no queen and no government. Them say little so, but we say Talawa. United just like the states of Mama Africa. Freedom in my soul, it's a luta continua. Mozambique warrior could never ring leader. That one ya good for the writer and the reader. Zion, you tell yourself. Fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. Fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. All the praises them go to the kingdom. Me say me fire can't tame. The fire can't tame. In a Babylon, them a call me name. Fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. Fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. All my praises them go to the kingdom. Fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. Me tell you, fire can't cool this, your fire can't tame. Stepping in a Babylon, them call me name. I got the judgment flames, the red, gold and green. All my praises them go to the kingdom. Can't cool, can't tame. Mm-hmm. Vous êtes toujours dans la 49e Vampire Afrique sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire She-Wolf en live de Megadeth, Entered Whiskey de Nashville Pussy. Promis, il y en aura d'autres du Nashville Pussy, j'en ai trouvé il n'y a pas longtemps. Heartbreaker de Led Zeppelin, Can't Cool en nouveauté d'Alborosi et oh là là là, c'est magnifique de Arnaud en live. Ouais, quelque part ça me touche beaucoup parce que 50 émissions avec vous, c'est magnifique parce qu'au départ ça devait durer 2 mois. Tiens, le prochain morceau, je le dédicace à Benoît qui nous écoute à Toulouse depuis le début. Je t'en remercie mon ami. Tu m'as demandé exercice de simple provocation avec 33 fois le mot coupable d'Hubert Félix Tiefen. Que ton vœu soit exaucé, ami auditeur. C'est dû en concert à Bercy, sorti en juin 99 à l'occasion des 20 ans de carrière de Tiefen. C'est un double album où Tiefen explore toute sa discographie. On retrouve L'ascenseur de 22h43, 113e cigarette sans dormir et Dans quel état à terre. J'adore cet album. D'ailleurs, son dernier double album vient de sortir. C'est un live. Son titre, c'est Vixitour 17. En fait, faut comprendre 15 tour 17. On continuera avec les sudistes de Massilia Sound System et le titre Massilia Fire Vance. C'est sur Why et Liberta, sorti en 2007. On peut entendre aussi Why et Liberta, toujours et toujours, et Au marché du soleil. Tiens, on va se faire une nouveauté. Desperation de The Insight. C'est sur Hidden Things, sorti en 2015. On retrouve ici Lost in Heaven, Spinning Sun et Wish I Was, entre autres. Je diffuserai ensuite un grand classique, Bush Doctor de Peter Tosh. C'est aussi le titre de cet album sorti en 1978, et je le dédicace à ma petite soise. On note des apparitions de Mick Jagger dès le premier morceau, mais aussi de Keith Richards sur plusieurs autres morceaux. On retrouve aussi Pick Myself Up, Soon Come et Stand Firm notamment. On a commencé en live, alors on finira en live avec Ludwig von 88 et le Fistfuck Paya Club. C'est sur Oulala 2, La Mission, sorti en 1987. On peut entendre aussi Louis Zambobé Forever, William Cramps et Tuez-les tous. Ils ont provisé sortir un album à la rentrée, ils sont en tournée tout l'été, promis, je vous tiens au courant. Assassiner mon double dans le ventre de ma mère et de l'avoir mangé. Je me sens coupable d'avoir attenté à mon entité vitale en ayant tenté de me pendre avec mon cordon ombilical. Je me sens coupable d'avoir offensé et souillé la lumière du jour en essayant de me débarrasser du liquide amniotique qui recouvrait mes yeux la première fois où j'ai voulu voir où j'en étais. Je me sens coupable d'avoir méprisé tous ces petits barbares débiles, insensibles, insipides et minables qui couraient en culotte courte derrière un ballon dans les cours de récréation. Et je me sens coupable d'avoir continué à les mépriser beaucoup plus tard encore, alors qu'ils étaient déjà devenus des banquiers, des juges, des épiciers, des dealers, des fonctionnaires, des proxénètes, des évêques ou des chimpanzés névropathes. Je me sens coupable des lambeaux de leur âme déchirés par la honte et par le ricanement cynique et confus de mes cellules nerveuses. Je me sens coupable. Coupable. Je me sens coupable d'avoir été dans une vie antérieure l'une de ces charmantes petites créatures que l'on rencontre au fond des bouteilles de mescal et d'en ressentir à tout jamais un sentiment mélancolique de paradis perdu. Je me sens coupable d'être tombé d'un tabouret de bar dans un palace pour vieilles dames déguisées en rockstar, après avoir épuisé cette bouteille de Dompé 76 dans le seul but d'obtenir les notes de frais à déduire de mes impôts. Je me sens coupable d'avoir arrêté de picoler alors qu'il y a des milliers d'envapés qui continuent chaque année à souffrir d'une cirrhose ou d'un cancer du foie ou des conséquences d'accidents provoqués par l'alcool. De même que je me sens coupable d'avoir arrêté de fumer alors qu'il y a des milliers d'embrumés qui continuent chaque année à souffrir pour les mêmes raisons à les calquer sur les poumons en suivant les pointillés. Et je me sens aussi coupable d'être tombé de cynopite en anachorète et d'avoir arrêté de partouser alors qu'il y a des milliers d'obsédés qui continuent chaque année à souffrir d'un claquage de la bite, d'un durillon du clitoris, d'un anthrax max au roubignol, d'une overdose de chagat folle, d'un lampourrissement scrofuleux du scrotum et du gland, de guenon, de plino, de triponème, de chancre mou, d'achivé ou de salpingite. D'être né français, de parents français, d'arrière-arrière, etc., grands-parents français, dans un pays où les indigènes, pendant l'occupation allemande, écrivirent un si grand nombre de lettres de dénonciation que les nazis les plus compétents et les mieux expérimentés en matière de cruauté et de crime contre l'humanité en furent stupéfaits et même un peu jaloux. Je me sens coupable de pouvoir affirmer qu'aujourd'hui, ce genre de pratique de dilation typiquement française est toujours en usage. Et je prends à témoin certains policiers compatissants, certains douaniers écœurés, certains fonctionnaires de certaines administrations particulièrement troublés et choqués par ce genre de pratique. Je me sens coupable d'imaginer la tête laborieuse de certains de mes voisins, de certains de mes proches, de certaines de mes connaissances, de certains petits vieillards crapuleux, baveux, bavards, envieux et dérisoires, appliqués à écrire consciencieusement ce genre de chef-d'œuvre de l'anonymat. Je me sens coupable d'avoir une gueule à être dénoncé. Je me sens coupable de garder mes lunettes noires de vagabond solitaire alors que la majorité de mes très chers compatriotes ont choisi de remettre leurs vieilles lunettes roses à travers lesquelles on peut voir les pitreries masturbatoires de la sociale en train de chanter « C'est la turlute finale !» Je me sens coupable de remettre de jour en jour l'idée de me retirer chez mes Nibelungen intimes et privés, dans la partie la plus sombre de mon inconscient, afin de m'y repaître de ma haine contre la race humaine, même contre certaines espèces animales particulièrement sordides, serviles et domestiques, que sont les chiens, les chats, les chevaux, les chèvres, les tamagotchis et les poissons rouges. Je me sens coupable de ne pas être mort le 30 septembre 1955, un peu après 17h40, au volant du Spider Porsche 550 qui percuta le coupé Ford de Monsieur Donald Turnipseed. D'avoir commencé d'arrêter de respirer alors qu'il y a quelques 6 milliards de joyeux fêtards crapoteux qui continuent de se battre entre eux et de s'accrocher à leur triste petite part de néant cafardeux. Massilia Fayavan, souple boulegan, libre occitan. Massilia Fayavan, Fayavan, Fayavan, Fayavan. À tout ce qu'on est, je te le dis, ça va être chaud. Le Massilia en force vient remonter le niveau. Reconnecter les générations, c'est notre boulot. Chroniquer le quotidien en prenant le micro. Faisant fi de la TV, du tout faux des radios. On fait danser les potes. Massilia Fayavan, du Vieux-Port jusqu'à Olinda. Massilia Fayavan, ils disent à tous qu'on est fanas. Massilia Fayavan, Christian toujours à vous les gars. On ne les détrompera pas, va cliquer et vers l'autre va. Massilia Fayavan, io pongo il pintas, per venti paglate. Cora y acaba, seguime la nara en lo que tu va. Lo micro din la man, musite Fayavan. Ie como demán, agresto nei cagán. Es un son de Maxillo, la voix de la polio. Le lyrics son de tío, per fare battute le infamia. Gramo come un legne, ti bagno la camie. Purego lupagne. Massilia Fayavan, di te por jusqu'a Olinda. Massilia Fayavan, e dis a tous qu'on est fada. Massilia Fayavan, que siam toujours à vous les gars. On ne les détrompera pas, va cliquer et vers l'autre va. Massilia Fayavan, on est ce que l'on veut ou que l'on soit. Mais en tant que Marseillais, nous n'avons pas le droit de perdre le sourire ni de perdre la foi. Si on perd notre identité, on le regrettera. Il faut se mélanger, oui, nous devons montrer la voie. Le peuple marseillais uni toujours vaincra. Ce qu'il faut inventer, ensemble on l'inventera. Ce qu'il y a à récolter, ensemble on le partagera. Tu connais tout ça par cœur si tu connais Massilia. Chanson après chanson, et ce depuis par le patois. Ça fait 20 ans qu'on le dit, on le rabâchera pour faire remonter la Yoli. Massilia Fayavan, du Vieux-Port jusqu'à Olinda. Massilia Fayavan, ils disent tous qu'on est fada. Massilia Fayavan, Christian toujours à vous les gars. On ne les détrompera pas, va cliquer et vers l'autre va. Massilia Fayavan, Massilia Fayavan. Ma jesu moumen per notri de batre e de strada. De seghe ci vuolen pa servi de mari di salada. No es to toque spa de ti mettre lei cervelle e marmelada. Cuma che sti bordio che nous am foutu din la panada. Basta da che risarleri che nous am fa la miseri. Si an la culona de ferri petro la bassa dei bari. Sulla vexie nous tenem fieri e dre. Calci de mano draper de la brigade le nandre. Sulla vexie nous tenem fieri e dre. Foutelo a y espas un secret. Massilia Faya, du Vieux-Port jusqu'à Olinda. Massilia Fayavan, ils disent tous qu'on est fada. Massilia Fayavan, Christian toujours à vous les gars. On ne les détrompera pas, va cliquer et vers l'autre ou pas. Massilia Fayavan, Massilia Fayavan, Massilia Fayavan. Dave. I would like to let you down and see just how you're falling down. It's all full of measure. Say that is my nine and day. I can feel my desperation pushing down my night and my day. I'm just here to let you down and see just how I'm falling down. It's all full of passion, the same that kills my night and day. Cure for glaucoma. Allez, une chanson sur les clubs de vacances. Le mois de juillet pointe au bout de l'horizon. Il va falloir choisir la Côte d'Azur ou les vacances au Baléares. Allez les gars, allez les filles. Policier moustachu, l'enfant de la vie tient le cul. C'est tu restes super volant. Eh bien, ce c'est les enfants. Fais-moi courant, fais-moi courant, fais-moi courant. Fais-moi. Apprenez le geste qui saute. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Allez, la suivante pour Charlu. Prenez super bourrette par le FIFA Playa Club. Et c'est une pavane foncée par le FIFA Playa Club. Fils, fils, fils, fils, fils, fils, fils, fils. Policier, moustachu, yo, yo, un ami, tiens le cul. Bien curé, super volant. Bien bien sûr, c'est les enfants. Plus seulement, seulement, plus seulement. Une vague. Vous êtes toujours dans la 49e Vampire Freaks, l'émission radio, et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire exercice de simple provocation avec 33 fois le mot coupable en live d'Hubert Félix TFN. Massilia Fire Advance de Massilia Sound System. Une petite nouveauté, Desperation de D-Insight. Boost Doctor Classico de Peter Tosh. Et on a fini en live à sa part en cacahuète. Fist Fuck Paya Club de Ludwig von 88. J'aime quand on réédite du bon son. Metallica vient de rééditer l'album Ride the Lightning en 6 CD. Aussi, je passerai le titre Ride the Lightning en live, comme je le disais. C'est une réédition, mais cet album Ride the Lightning est sorti en 1984. On retrouve aussi Fight Fire with Fire, Fat to Black, et mon titre préféré de cet album, Blitzkrieg. Promis, il y aura d'autres morceaux. Tiens, un bon son vinyle qui tâche, Fashion Scum des Brigada Forest Magon. C'est sûr, de tout pour tous. Leur dernier album sorti en 2017, on peut entendre aussi Violence, Bienvenue en Enfer et La Rage au Corps notamment. Merci à Brian qui m'a fait passer, car aujourd'hui ce vinyle est très très dur à trouver. Envie d'un bio dub, ce sera The Great Insurrection de Linton Kwesi Johnson. C'est sur Making History, sorti en 1984. On peut entendre aussi The Eagle and the Beer, Making History et Reggae for Rodney, entre autres. Un excellent album. Envie d'un très grand classique, Knocking on Heaven's Door. À la base, c'est un titre de Dylan, mais les Guns l'ont sublimé, donc ce sera la version des Guns. Et c'est sur Use Your Illusion 2. Leur quatrième album, mais le deuxième de la série Use Your Illusion, sorti le 17 septembre 1997. On retrouve aussi Civil War, Get the Ring, Don't Cry notamment. On a commencé ce bloc en live, alors on le finira en live avec Steel Pulse et Back to My Roots. C'est sur Vex, sorti le 27 septembre 1994. On retrouve aussi Better Days, In My Life, No Justice, No Peace. it's good to see the old freaks again. Looks like we got a few people came here to get out of control tonight. I've been hearing a lot of shit about how fucking wild you've been getting these days. Mat mes pompes, mat ma chemise, mat mon style, ouais, mat mon cul. Trop d'envoi de la politique, trop d'histoire que de prendre position. T'aurais aimé naître dans la rue, être à l'origine d'un mouvement. Mais t'es né avec une fille mon cul et dans la bouche une cuillère en argent. Fashion box, fashion box, fashion skin to fashion stock. Fashion box, fashion box, fashion skin to fashion stock. Trop d'embrouilles, trop de bagarres, ouais, trop de violence. Tu te caches derrière un passé pour mieux oublier ta peur d'exister. T'aurais pas le courage de tes opinions, tu préfères donc pas avoir l'idée. Par contre, pour faire du pognon, tu manques pas d'inventivité. Fashion box, fashion box, fashion skin to fashion scum. Fashion box, fashion box, fashion skin to fashion scum. Entre les flics et l'État, faut un mec comme toi pour faire le rebelle. À la bâtie, traite comme il faut, qui produit bien, consomme vite. La quête d'un bout qui rentre dans le rond, avant même qu'on fronce les sourcils. Alors si t'as peur de ton nom, fais gaffe au cas dans les rues elles sombres. Check out the ghetto grapevine. They find out all I could have find. Every rebel just a rebel in them story. Them a talk about the power and the glory. Them a talk about the burning and the looting. Them a talk about the smashing and the grabbing. Them a tell me about the vanquish and the victory. Them said the Babylon them went too far. So what we had was fi bun to care. And one and two innocent getting more. But what? Now saw it go sometime in a war. Now saw it go sometime in a war. Them say we burn down the judge, we put a burn the land, Lord. We burn down the judge, we never burn the land, Lord. When we run riot all over Brixton. When we mash up plenty police band. When we mash up the wicked one plan. When we mash up this 181. Them say we commandeer car and we gather ammunition. We build we barricade and the wicked catch afraid. We send out we scout, we go find them we're about. Then we farm up with posse and we make we raid. We know them run gang a plan counter action. But the plan I stick a bullet on the water cannon. We'll bring a blam blam, we'll bring a blam blam. Never mind scar man, we'll bring a blam blam. It was in April 1981. Well, na na na, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, na na. Well, now. This is a room in my concern. Ragamuffin Rastaman return. Says we all got a lesson to learn. This is the reason that I'm back to my roots. And back to my roots. Yeah. Hey. We took that commercial road, searching for some fame and gold, and gained the whole wide world. Almost lost our souls. Some have said we should have led the way, taken over from Bob Marley. Brainwashed by the system, yeah. What a heavy, heavy price we paid. It's time to go back into the way it was now. Run the rock, I'm off and up. Back to the room, woo, woo, woo, woo, woo, woo. Yeah. Hey, hey. Back to my roots. Back to my room, woo, woo, woo, woo, woo, woo. De se faire Ride the Lightning de Metallica en live, Fashion Scum en vinyle de Brigada Forest Magen, The Great Insurrection de Lynton Kwesi Johnson, Knock on Heaven's Door de Guns N' Roses et Back to My Roots en live de Steel Pulse. Et oui, pourquoi Knock on Heaven's Door? Parce que chaque semaine, présenter cette émission avec vous, c'est frapper à la porte du paradis. Voilà. Cette 49e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Pour finir, je diffuserai Batman Beware des Normands de Naman. C'est sur Deep Brokers Backyard, sorti en 2013. On peut entendre aussi Freedom, Skanking Shoes et One Day. La semaine prochaine, entre autres. La semaine prochaine, on fait la fête. C'est la 50e. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Bon man willow, clean man on a shot, fi send a real man out a road. If you wanna see him, tell me, tell you, bad man willow. Now for your full life, you don't know you roll, you will never be a man. Success is a problem, yes, fi them a problem. Them a looks busy and I like when we you talk to them. Watch how we will, cause you never sell out and never diss you deal. Bad man, me a talk to you, practice what you're preaching. Improve your teachings, do a little you to a man must be respected. Teach them out to learn before talk, cause you really can't stop any word after you send it out. All proudly to your conviction, be human strong. We no too fast up in here, now we suffer good work. A deep inspiration of the humble up your heart and strengthen your soul. Violence away, make you not be the cancer child and you away. If you're looking for another, this is what you're about. Away from your corner, the people they leave it. Oh, oh, bad man beware, he no lie, you can't tell no lie. Watch you and before you start, damn you did a run away. If you can't understand it, vibes from hypocrite, a real man I deal with. Beware, he no lie, you can't tell no lie, yeah. If you start, damn you did a run away. If you can't understand it, who rally on and say, ah. Watch inside just for know who's the resident. About the sheep, you are the leader and the servant. I'll the helm and the cloth at the same time. Finally, we are the right hand man. So don't fool nobody. You will pay back that shit with your glory. One day, all of those things gonna come back your way. You will flip what you done. There is no place in the battle for your bad habits. Some of them hear the shot after them get it. Stay focused on your role in the step traffic. Cause a delicate boat, I don't make sharp profit. We are a traveler, looking for me tomorrow. When a door is closed over you, many more is open. Come at riverside, see them let it flow. Falling with the weight of them heavy tears. Some of the one that curtains for my window. We have millions kept attention in more and more. There is no, don't play the no. If you rise up and improve my human condition. Man beware, he no lie, you can't tell no lie. Watch you and before you start, damn you did not run away. If you can't understand it, vibes from hypocrite, a real man I deal with. Beware, he no lie, you can't tell no lie.